tu descends encore dans la nuée. Tu graves de nouveau les paroles de vie, alors que le peuple méritait le rejet. Tu offres encore la miséricorde infinie. Tu révèles ton nom véritable, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, riche en fidélité, un Dieu qui relève les cœurs de poussière. Ta grâce précède toujours nos mérites. Tu es le Dieu de compassion, lent à la colère, grand par l'amour. Tu ne nous traites pas selon nos fautes, mais selon ta bonté chaque jour. Tu es le Dieu de compassion, et même après nos chutes sans